Mandas 2048 dans tes fesses, entre les deux. Tu visualises. Voilà que Bardas fait monter le son. AT égale 0, Roger sort l'orgasme en trou et voilà qu'avance la réaction. Bardas se fait démarrer depuis 0 jusqu'à l'infini en caressant l'ego du fameux nombre pi. Fiche la fête, qui peut qui pète, qui prend son cul pour une trompette. Divise pi par pi, ça fait jamais que 1. Pas de quoi faire le dalmatien. C'est bon quoi. Putain où il se la pète. Il sait compter jusqu'à 3. 3 c'est encore moins que pi. C'est 0,14 en moins. Putain où c'est un coquin. Une cité d'or. T'en foutrais une cité d'or. Ça existe pas. On dort. C'est clair. Ça c'est n'importe quoi. C'est pour les enfants, c'est les flammes. Le cadet, c'est des chiffres et des pourcentages. Fais en sorte d'embellir le voyage. Et voilà les deux frères qui tutoient le cosmos pour t'aider à l'imaginer. Ils sortent le matos. Pas la peine de le remercier, ils font ça sans penser. Les deux frères irradient contre et contre la réalité. Avec le nombre de vies qui se la pètent un petit peu quand même.